Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui vous branche, qui vous connecte en direct sur l'univers des arts sonores, des musiques nouvelles, merveilleuses musiques parce qu'inclassables. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Au programme ce soir, je vous propose une incursion dans l'univers sonore et artistique de Kate Carr. C'est une artiste d'origine australienne qui vit au Royaume-Uni, qui explore depuis une quinzaine d'années la singularité du son dans nos contextes de vie quotidienne. Passionnée par l'enregistrement sur le terrain, ce qu'on appelle le field recording, sa démarche sonore vise, dit-elle, à explorer la façon dont nous façonnons et sommes façonnés par les réalités sonores. Inspiré des arts visuels, son travail artistique prend aussi la forme d'installations sonores et de performances dont on peut voir des extraits sur son site internet Kate Carr, C-A-R-R, on retrouve ça facilement. On dit que ses œuvres sonores entremêlent voyages réels et imaginaires à travers l'exploration d'enclaves sonores captées de par le monde. D'entrée de jeu, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose un extrait d'une magnifique pièce intitulée « Where to Begin », par où commencer, si je traduis, inspirée par une commande de la radio BBC. J'ai fait un travail, dit-elle, qui porte sur l'acte d'écrire une lettre d'amour, cet acte que l'on fait seul pour tenter de se connecter avec quelqu'un d'autre. Il est composé de fragments de lettres d'amour lus en plusieurs langues. Les sons résultent de la chute de billes de verre frappant diverses surfaces et d'enregistrement du frottement du stylo sur le papier. Je referme les guillemets. On écoute un extrait de cette pièce intitulée « Where to Begin » de Kate Carr. have also sent you an artwork of mine titled Eavesdroppers, and it is a painting of two small ears. I'm listening. I'm listening. Where to begin? In the beginning is normally where story starts, but this one starts here, with you. Très belle pièce de Kate Carr intitulée « Where to begin? Par où commencer? » Kate Carr a réalisé de nombreuses résidences d'artistes. Elle s'est aventurée dans de minuscules villages de pêcheurs du nord de l'Islande. Elle a exploré les rives inondées de la Seine. Elle a sondé la structure des ponts de Saskatoon, enregistré la faune d'Afrique du Sud et du Mexique. Grande voyageuse. Son travail a été présenté au Royaume-Uni et en Europe, dont je retiens les performances récentes à la Tate Modern de Londres, aux Instants Chavirés à Paris et au AB Salon de Bruxelles. Dans la correspondance qu'on a échangée, Kate et moi, elle m'exprimait son grand souhait de venir un jour performer au Québec. Le message est donc lancé. Je vous propose ce soir une incursion dans son travail sonore, tout ça dans la foulée de quelques albums produits depuis 2014, des albums que l'on retrouve notamment sur son label intitulé Flaming Pine, dont je vous reparlerai en cours d'émission. D'entrée de jeu, on écoute un premier titre, ça s'intitule The Profusion of Minuscule Life, profusion de minuscules dans la vie. C'est tiré de l'album Down, Always New, Often Superb, Inaugurates the Return of the Everyday. C'est paru en 2021. On écoute ça, très belle pièce. Je dirais d'abord à propos de cet album de Kate Carr que le titre est vraiment très beau. Je traduis là, l'aube toujours nouvelle, souvent superbe, inaugure le retour du quotidien. C'est un titre plein d'espoir puisqu'il exprime l'état d'esprit de Kate Carr au cours du confinement des derniers mois. J'ouvre les guillemets, elle dit « J'ai fait cet album par intermittence pendant le confinement et maintenant, alors que nous espérons entrevoir quelque chose d'autre, je me suis demandé quel jour meilleur l'aube nouvelle nous apportera. » Je referme les guillemets. Ce projet de Kate Carr a pour contexte sonore le rond-point Bricklayer Arms à Londres, pour ceux qui connaissent. C'est la porte d'entrée historique de la capitale londonienne. Ce rond-point relie aujourd'hui de nombreuses gares, dont celle de Douvres, un port majeur de l'Union européenne. J'ai composé cet album, dit-elle, au cours des derniers mois, en méditant sur les sonorités, les liens, l'histoire et les rythmes que les espaces publics ont pris durant la pandémie. Ce qui était autrefois un carrefour animé et vibrant de Londres s'est tu pour prendre de nouvelles significations. L'album a été composé principalement à partir de vibrations captées par un géophone et des microphones de contact placés sur des lampadaires, murs et des canalisations vibrantes au passage des voitures, des piétons, cyclistes à travers ce rond-point Bricklayers Arms. Alors, on écoute une pièce qui illustre le projet. Ça s'intitule Nothing is Immobile. Rien n'est immobile. Alors, elle raconte en entrevue à Kate Carr qu'elle a emprunté bien des chemins pour arriver à l'exploration sonore. Intéressée par les arts visuels, le son et la musique, toute jeune, elle va exercer le métier de DJ, diriger un centre d'artistes à Sydney, Australie, flirter avec le milieu des drag queens, et puis une maîtrise en musique à l'université lui fera découvrir la musique expérimentale. Ce n'était donc certainement pas l'introduction la plus conventionnelle au travail sonore, mais je pense, dit-elle, que ses intérêts pour le merveilleux, la narration et les univers intimes demeurent présents dans mon travail sonore encore aujourd'hui. J'adore cette idée du potentiel créatif de l'essai-erreur et être nourri par l'émotivité, la nostalgie et le versant subjectif du son. Je referme les guillemets, c'est Kate Carr qui s'exprimait. Je vous propose qu'on écoute maintenant une pièce tirée de l'album intitulé Splinters, Éclat, je traduis ça comme ça, une pièce intitulée Pebble Dash Static, Galerie de Galets Statiques. Alors on écoute ça. Alors, ce projet de Kate Carr intitulé Splinters, Éclat, je traduis ça comme ça, on vient d'entendre une pièce tirée de l'album. Ça résulte d'une résidence d'artiste à Londres qu'elle documente sur le plan sonore durant plusieurs mois. Elle tient un journal sonore de ses déplacements, de l'avancement des œuvres en galerie et de déambulations dans les espaces verts et l'architecture urbaine, les allées et venues des visiteurs dans l'espace d'exposition. Splinters, dit-elle, est un portrait sonore d'un temps et d'un lieu, ainsi que des actions et des événements qui s'y déroulent. Les pièces donnent parfois l'impression d'un rêve à la fois sombre et énigmatique. Des phrases musicales répétées se mélangent à des sons de la vie quotidienne. Des gens qui placotent, un train visible qui gronde dans les brumes du matin, une marche le long d'un marais menacé par l'étalement urbain. On écoute une autre pièce tirée de cet album Splinter, une pièce intitulée Abraded. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Kate Carr. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir à toutes et tous qui êtes à l'écoute ce soir. C'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h, l'émission au carrefour des arts sonores et des musiques inattendues sur CKRL 89.1. Je vous présente ce soir quelques œuvres de l'artiste sonore et commissaire Kate Carr, une artiste d'origine australienne qui vit et travaille au Royaume-Uni depuis plusieurs années maintenant. Kate s'adonne tout particulièrement à la pratique du field recording et, si vous préférez, à la prise de son en direct sur le terrain, afin de construire des univers sonores qui explorent la relation qu'entretiennent les gens avec les sons et les lieux qui les entourent. Kate raconte d'ailleurs dans un entretien qu'elle accorde au magazine Closer Listen qu'elle est toujours passionnée pour les effets du son sur les sens, sur le corps et sur notre personnalité. J'ouvre les guillemets, elle dit « Comment les sons nous façonnent-ils? Comment influencent-ils nos modes de vie, notre vie intérieure? » Je m'intéresse beaucoup, dit-elle, à l'expérience sonore de lieux inconnus, ainsi qu'aux manières subjectives de capter le son, en particulier lorsque nous sommes dans un nouvel endroit, parfois désorienté. J'aime être perdu, dit-elle, et voir comment nous utilisons le son ou la musique pour nous retrouver soi-même ou retrouver notre chemin. Je referme les guillemets. Dans cette veine, je vous propose qu'on écoute cette fois une pièce tirée d'un album lancé en 2014. C'est intitulé Fabulation. C'est un album constitué de thèmes familiers à Kate Carr. Singularité sonore du lieu, lyrisme, fantasme sonore et merveilleux. Les pièces qui composent Fabulation sont construites à partir d'enregistrements réalisés à Marseille, Nice, Dublin, Belfast, Glasgow, Édimbourg, et j'en passe, quelle voyageuse. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce intitulée Sound Art in Barcelona. Thank you. Alors, on vient d'entendre un court extrait de la pièce intitulée « Sound Art in Barcelona » tirée de l'album « Fabulation ». Je l'ai évoqué déjà, la pratique de la captation sur le terrain en direct est au cœur de la production sonore de Kate Carr. Elle dit « L'un des beaux aspects de l'enregistrement sur le terrain est la sonorité unique d'un site particulier et la signification ou la résonance qui en émerge. Les histoires que je raconte, dit-elle, en utilisant ces sons, découlent directement de leurs origines, des affects qu'ils véhiculent lorsqu'ils se répercutent dans l'espace et selon l'expérience d'enregistrement qui en résulte. Je pense que la nature expérientielle et intime de mon travail est peu courante dans le domaine de l'enregistrement sur le terrain. Je ne suis pas du tout intéressé à présenter un ensemble d'enregistrements qui prétendent transmettre une sorte d'expérience objective. Non, ce qui m'intéresse, dit-elle, c'est la rencontre du son, la spécificité du lieu et le processus émotionnel ou l'expérience que produit l'enregistrement. Et qu'est-ce que je ressens ici à entendre ces sons-là? Comment puis-je utiliser ces sons pour raconter l'histoire de cette expérience? Voilà, ce sont probablement, de conclure Kate Carr, les deux principales questions que je cherche à explorer. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero 0. Zero. Zero. Alors, on vient d'entendre un extrait d'une pièce intitulée Contacts. Très belle pièce, une version remaniée d'une performance présentée au Radio Frenia Festival à Glasgow en mai 2019. Vous l'avez compris, la pièce explore les émissions sonores produites par la radio, le code Morse, le sonar, le satellite, le Bluetooth, le sans-fil, les voix et j'en passe. C'est une ode, souligne Kate Kerr, à la fragilité, au dynamisme et à la diversité des modalités par lesquelles nous tentons de nous connecter, dit-elle. Et c'est d'ailleurs à partir de cette idée, voire de cette nécessité de se connecter, que l'artiste crée il y a une dizaine d'années le label appelé Flaming Pines. C'est un label qui regroupe de nombreux artistes et leurs œuvres inspirées par l'enregistrement sur le terrain, l'art sonore et la musique ambiante expérimentale. Au départ, dit-elle, je voulais simplement sortir une compilation d'art sonore inspirée par les données météorologiques « Listen to the weather », et je croyais qu'il fallait que je le fasse moi-même. Et tout ça s'est en quelque sorte mis en place assez rapidement. J'ai trouvé le nom et j'ai fait un logo et j'ai pensé que ça pourrait soutenir le travail d'autres artistes. C'est ainsi que Flaming Pines, le label, est né. Je referme les guillemets. Et c'est en effet un label vraiment intéressant qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp. Je vous reviendrai en cours de saison au sujet de ce label plutôt captivant. Cela dit, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album compilation de 2011 intitulé « Listen to the Weather », une pièce de Kate Carr intitulée « Wait for me underneath, wait for me, wait for me here ». Alors, on écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des œuvres de l'artiste sonore Kate Carr. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la référence des pièces entendues ce soir ainsi que les émissions produites jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Grand merci à Kate Carr de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres et j'espère qu'on pourra la voir performer au Québec un de ces jours. On se croise les doigts. En ce qui concerne ses œuvres sonores et son magnifique label Flaming Pines, vous retrouverez tout ça sur la plateforme Bandcamp. Restez des nôtres. Mathieu Johnson s'amène avec son rock medium. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Pour terminer l'émission, on va écouter une dernière pièce de Kate Carr. Ça s'intitule « I Had Myself a Nuclear Spring ». Ça, c'est le titre de l'album. La pièce s'intitule « Confluence ». Alors, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL 89.1.